Troisième partie, Marius. Paris a un enfant et la forêt a un oiseau. L'oiseau s'appelle le moineau, l'enfant s'appelle le gamin. Puis tout 9 ans environ, après les événements racontés dans la deuxième partie de cette histoire, on remarquait sur le boulevard du Temple et dans les régions du château d'eau un petit garçon de 11 à 12 ans. Cet enfant était affublé d'un pantalon d'homme et d'une camisole de femme. Des gens quelconques l'avaient habillé de chiffon par charité. Pourtant, il avait un père et une mère. Mais son père ne songeait pas à lui et sa mère ne l'aimait point. C'était un de ces enfants dignes de pitié entre tous, qui ont père et mère et qui sont orphelins. Cet enfant ne se sentait jamais si bien que dans la rue. Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. Ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied. Il avait tout bonnement pris sa volée. C'était un garçon bruyant, blême, leste, éveillé, goguenard, à l'air vivace et maladif. Il allait, venait, chantait, grattait les ruisseaux, volait un peu, mais comme les chats et les passereaux. Gaiement, riait quand on l'appelait galopin, se fâchait quand on l'appelait voyou. Il n'avait pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas d'amour, mais il était joyeux, parce qu'il était libre. Quand ces pauvres êtres sont hommes, presque toujours, la meule de l'ordre social les rencontre et les broie. Mais, tant qu'ils sont enfants, ils échappent. Étant petits, le moindre trou les sauve. Pourtant, si abandonné que fût cet enfant, tous les 2 ou 3 mois, il atteignait la Salpêtrière et arrivait où? Précisément, à la Masure Gorbeau. La principale locataire du temps de Jean Valjean était morte et avait été remplacée par une toute pareille qui s'appelait Madame Burgon. Les plus misérables entre ceux qui habitaient la Masure étaient une famille de 4 personnes. Le père, la mère et 2 filles déjà assez grandes, tous les 4 logés dans le même galetas. Cette famille n'offrait au premier abord rien de très particulier que son extrême dénuement. Le père, en louant la chambre, avait dit s'appeler Jondrette. Cette famille était la famille du joyeux petit va-nu-pied. Il y arrivait et il y trouvait la pauvreté, la détresse et, ce qui est plus triste, aucun sourire. Le froid dans l'âtre et le froid dans les cœurs. Quand il entra, lui demandait « D'où viens-tu ? » Il répondait « De la rue. » Quand il s'en allait, on lui demandait « Où vas-tu ? » Il répondait « Dans la rue. » Sa mère lui disait « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Mais sa mère aimait ses sœurs. Nous avons oublié de dire que sur le boulevard du Temple, on nommait cet enfant le petit Gavroche. La chambre que les Jondrette habitaient dans la Masure Gorbeau était la dernière au bout du corridor. La cellule d'à côté était occupée par un jeune homme très pauvre qu'on nommait Monsieur Marius.